15. Les nationalisations à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, en mai 1945, le gouvernement d'union nationale du général de Gaulle nationalisa Gnome et Rhône par décret, en lui associant les moteurs d'aviation de Renault, Régnier, Potée et Voisin. Ce fut la naissance de SNECMA, Société nationale d'études et de construction de moteurs d'aviation. Devant vous se trouvent différents moteurs des sociétés regroupées au sein de SNECMA. À cette époque, les moteurs à piston laissent place aux turboréacteurs, nés pendant la guerre. Il s'agit d'une transition technologique majeure, qui impose la création de nouvelles équipes de développement. Pour écouter le prochain commentaire, avancez-vous et contournez le mur de gauche, jusqu'au moteur, Hercule.